16, because I'm too dumb to understand this. What about F? All I want to say is that they don't really care about us. What about F? What about F? May I try? May I? Okay, it's okay. I'll switch it off. Please keep on. You're the best. I love you so much. Thank you. cul. Et comme ça fait. Ah oui, putain, oui. Oh là là, bah ça craque, craque, craque, craque, craque. We'll be right back. and old school. Old school. Enregistré en live sur YouTube et Twitch. Changer et du coup il faut que je m'adapte. Moi je suis adapté. La guerre, c'est qui commence en premier? Était le chef de la drone. Il fallait, mesdames et messieurs, en premier, vous l'avez pas vu, mais je vous donne des insights, t'as vu. Je l'ai raté. Channel.